Fioretti ou Petite fleur de saint François d'Assise, légende du Moyen Âge, traduite pour la première fois par Monsieur Labériche. Étude sur les monuments franciscains d'Assise. Perpétuer la gloire, ou du moins le souvenir de ceux qui ne sont plus, telle est la pensée qui préside à l'érection des monuments funèbres. Mais ces mausolées n'ont pas tous, il s'en faut, la même valeur dans l'estime des hommes. Il y a autant de degrés dans l'appréciation qu'on en fait, qu'il y en a dans leur proportion matérielle, depuis l'humble pierre qui couvre la fosse de l'inconnu jusqu'aux édifices colossaux érigés à la mémoire des grands de la terre. Les pharaons s'étaient choisis des pyramides pour leurs sépulcres. Les empereurs romains préférèrent des tours, mais le christianisme n'a pas été satisfait de ces monuments grandioses, il a fallu que les tombes de ces saints, élevées vers le ciel et agrandies par la vénération des peuples, se transformassent en splendides basiliques. Bien plus encore, il existe une ville, riche du tombeau et du temple d'un saint, qui s'est couverte successivement d'une foule de monuments destinés à rappeler les principaux traits de sa vie, et l'ensemble de ces monuments paraît encore formé maintenant comme la clôture extérieure, et comme le vestibule de sa basilique sépulcrale. Ce comble de gloire, après la mort, personne ne s'en montra si peu jaloux, pendant sa vie, que saint François d'Assise. Il éprouvait un tel désir de s'assurer ici-bas une éternelle obscurité, qu'il ambitionna comme un privilège de ne reposer que dans une sépulture ignominieuse. Lorsqu'il se sentit sur le point de quitter la terre, il supplia ses disciples de l'enterrer en dehors des murs de la ville, dans un endroit destiné au supplice des malfaiteurs, et que l'on appelait, pour cela, la colline infernale. Mais il arriva que la ville gardienne de son berceau et de sa tombe, les environna de tant et de si magnifiques monuments, qu'elle en a pris un nom tout céleste, c'est maintenant la cité séraphique. Au lieu de ce peu de terre qu'il demandait à peine, dans un endroit déshonoré, pour recouvrir sa fosse, voilà qu'Assise, une ville tout entière, est devenu son mausolée. Tel est le caractère, unique dans son genre, de cette gracieuse cité de Lombardie, et telle est l'idée qu'elle s'est identifiée. Quelques ruines antiques, qui n'ont aucun rapport historique avec cette idée principale, s'harmonisent cependant très bien avec elle par les pensées sérieuses qu'elles font naître. Assise, bâtie sur le penchant d'une montagne, est tout environné de murs démantelés et des tours du château fort qui les domine. Des bastions en ruine forment ses remparts, et, sur la place, les colonnes d'un ancien monument romain servent maintenant de portique à l'église de Sainte-Marie de la Minerve. La façade de cet édifice est toute couverte d'épitaphes qu'on a détachées de ses souterrains. Ces avertissements de la mort sont exposés à l'endroit de la ville le plus fréquenté et le plus tumultueux, si le bruit du siècle venait jamais troubler cette paisible cité. Dans les rues, où l'on rencontre à chaque pas, des arcades, des maisons gothiques et des fresques à demi effacées, il semble que l'on parcourt les cloîtres d'un vaste monastère, tant tout y est tranquille. À l'exception de quelques chants populaires qui réjouissent parfois, vers le soir, les voix publiques, Assise n'entend ordinairement que la psalmodie aérienne répétée par les cloches de ses nombreux couvents, ou bien le chant des oiseaux qui gazouillent dans ses jardins, leur doux ramage est souvent le seul bruit qui vient troubler son silence. Au sein de la civilisation bruyante et tumultueuse de notre époque, c'est un véritable bonheur que de pouvoir se reposer de temps en temps dans une de ces cités qui s'ouvrent devant vous comme de pacifiques oasis. Séjours intermédiaires entre le bruit des villes et la quiétude des cloîtres, ils offrent des asiles propres à la méditation, et ils conviennent merveilleusement à un état de société dans lequel les écrivains sérieux tiennent le milieu entre le savant du monastère et l'homme d'un monde frivole. Au Moyen Âge, il est vrai, on s'était quelquefois exagéré les avantages de la solitude dans les travaux intellectuels, mais aujourd'hui, on n'en tient plus assez compte. Dans le tumulte toujours croissant des opinions et des partis, dans ce tourbillon si rapide des affaires et des idées, on sacrifie trop souvent la puissance de la réflexion à la mobilité de la discussion de chaque jour. Il est bon, sans doute, je dirais plus, il est nécessaire que des hommes de cœur prennent poste au centre même du mouvement intellectuel, pour y accomplir la tâche du moment, mais, obligés qu'ils sont de dépenser tous les efforts de leur intelligence au service de ce devoir qui les entraîne sans cesse, ils n'ont pas le loisir d'approvisionner leur esprit de ces trésors qui produisent, par la réflexion, les plus fécondes idées. Dans l'ordre moral, comme dans l'ordre physique, la source des fleuves se cache dans des endroits obscurs et solitaires. C'est donc, nous le répétons, un avantage réel que de pouvoir consacrer quelques années, ou du moins quelques mois, à ces retraites fécondes, capables de suppléer, d'une certaine manière, à la vie méditative des cloîtres. Or, ce type de la solitude tout à la fois sévère et gracieuse, je le trouve dans cette ville d'Assis si pleine de silence, de chefs-d'œuvre artistiques, qui repose au sein de la pluriante contrée, et dont tous les monuments se rapportent à une seule tombe. Appelez-la, si vous le voulez, une cité funèbre, oui, mais funèbre à la manière de ces temples gothiques, dont la vue inspire à la conscience tranquille plus de sérénité que de tristesse. Pour nous, dans les fatigues d'un trop court voyage, nous n'avons pu faire qu'une halte de quelques jours à l'ombre du tombeau patriarcal d'Assise, mais leur souvenir nous est resté si profondément gravé dans l'âme, que nous sommes bien sûrs de ne l'oublier jamais. Nous venions de quitter la pieuse ville de Lorette, certes, les plus douces joies chrétiennes ne nous y avaient pas manqué, accueillis par une amitié pleine de délicatesse, pendant plusieurs jours, nous avions pu célébrer les saints mystères dans la Santa Casa. Plusieurs fois nous y avions prié en même temps que le Saint-Père, qui s'y trouvait alors en pèlerinage. Nous avions assisté à sa messe, et nous avions obtenu, pour la seconde fois, de sa sainteté, une audience, dont la mémoire nous suivait comme un parfum délicieux. Et pourtant, quand nous entrâmes dans cette silencieuse ville d'Assise, quand nous en visitâmes les monuments, quand surtout un des bons conventuels du Sacro Convento nous conduisit, pour la première fois, au tombeau de Saint François, je ne sais quelle impression vive et nouvelle nous saisit, à nous, qui avions déjà visité les grandes basiliques et les plus pieux sanctuaires de Rome et de toute l'Italie, il nous semblait que jamais nous n'avions rencontré de semblables souvenirs, et que jamais nous n'avions prié devant un tombeau plus émouvant. La cité de Saint-François voit à ses pieds la belle plaine qui s'étend des hauteurs de Spolète à la montagne de Pérouse, et qui s'épanouit comme un immense jardin planté d'arbres. Dans l'Antiquité, souvent les tombes étaient environnées de bosquets, et l'on y rencontrait des emblèmes et des statues qui annonçaient une sépulture, et qui préparaient l'esprit du passant au sentiment que sa vue devait lui inspirer. C'est ainsi que, dans le grand bosquet formé par la vallée d'Assise, on voit encore des monuments qui gardent l'entrée de cette cité sépulcrale, ce sont les couvents de Sainte-Marie des Anges et de Rivotorto, auxquels on peut ajouter, pour en compléter la signification, Le petit couvent des prisons, carcérie, de Saint-François, caché au milieu des buissons de la montagne. Les pauvres ermites qui vivaient en ces trois endroits, dans le courant du XIIIe siècle, correspondaient, chacun à leur manière, à l'une des trois vertus que l'immortel Pinceau de Giotto a glorifiées, quelques années plus tard, sous la voûte de la basilique d'Assise. À Sainte-Marie-des-Anges, le souvenir de la chasteté de saint François, mis à l'épreuve des tentations, est demeuré attaché à une haie d'épines, qui est aujourd'hui un jardin de roses. Rivotorto, où il composa sa règle, rappelle spécialement la vertu d'obéissance qui lui sert de base, le détachement absolu de toutes les choses du monde, la pauvreté volontaire, sont vivement exprimés dans les prisons de Saint-François. Ces trois couvents sont donc là comme des témoins irrécusables d'une des plus grandes victoires qui ait jamais été remportée sur la triple concupiscence de la chair, de l'orgueil et de l'égoïsme, ces éternels ennemis de la charité. C'est ainsi que l'on rencontre parfois, dans les relations des objets matériels avec les sujets moraux, certaines harmonies qui frappent l'âme, de la même manière que l'architecture frappe les yeux. Nous en avons un exemple dans ces monuments et ces souvenirs placés comme autant d'arcs de triomphe, le long des chemins qui conduisent au tombeau d'Assise, chef-d'œuvre de l'art chrétien. Rivotorto, Notre-Dame des Anges et les prisons, voilà les trois pèlerinages qu'il faut faire, voilà les trois endroits qu'il faut étudier, pour retrouver les traces les plus vives de saint François d'Assise. Rivotorto est ainsi appelé d'un petit ruisseau qui coule tortueusement à quelque distance de là. Quelques pauvres cellules y servirent d'abri à saint François et à ses premiers disciples, lorsqu'ils commencèrent leur association. Ces cellules subsistent encore. Après la mort de saint François, des frères mineurs bâtirent à côté un couvent et une belle église. Malheureusement, le dernier tremblement de terre de 1854 les a complètement détruits, ce n'est plus qu'une grande ruine. En 1857, je visitais ces tristes débris, je parcourais ces cloîtres, ces salles, cette église, qui n'était plus indiqué que par des pans de murailles lézardées que le moindre ébranlement pouvait jeter à terre. Je cherchais, avec une douloureuse anxiété, ce qui pouvait demeurer des cellules primitives, et je ne voyais que des ruines. Tout à coup, au fond d'un jardin abandonné, j'aperçus un vieux franciscain qui sortait d'une salle écroulée, et qui se dirigeait vers moi, le capuchon sur la tête, comme une ombre au milieu des ruines. Vous cherchez la cellule de saint François, sans doute, me dit-il avec un sourire plein de mélancolie, suivez-moi. Je le suivis, et après avoir traversé une partie de ce qui avait été l'ancien couvent, tout près de l'église, le bon religieux ouvrit une petite porte, et nous nous trouvâmes en face de deux cellules très anciennes, mais dans un état parfait de conservation. « Voilà ce que vous cherchiez, » me dit le franciscain, avec un certain air de triomphe, « voilà le premier couvent de notre Père Saint-François. Dieu a renversé tout ce que nos mains avaient construit alentour, mais il a épargné la petite demeure de son serviteur. » Sans doute, il l'a trouvé trop caché au milieu de ces grandes constructions qu'il effaçait, il a soufflé dessus, et il n'est plus resté que ces petites cellules de saint François, pour nous rappeler, à nous ses enfants, la pauvreté et l'abnégation de nos premiers pères. En effet, c'était vraiment une sorte de prodige que j'avais là sous les yeux. Dans ce tremblement de terre qui n'a rien respecté de tout ce qui les entourait, comment expliquer que ces vieilles cellules franciscaines soient demeurées intactes? On a bien fait de les transformer en oratoires. Malgré la pauvreté, je dirais presque la grossièreté de leur ameublement, on sent qu'on est là dans un lieu vénérable, on tombe à genoux comme tout naturellement, et l'on bénit Dieu dans son âme d'avoir ainsi glorifié la sainte pauvreté, jusque dans les bouleversements et la destruction de la nature. Après Rivotorto, en remontant vers Assise, le pèlerin découvre, au milieu de la plaine, une magnifique église et un vaste monastère, dont les proportions grandioses et pures rappellent Bramante et Vignoles. C'est Notre-Dame des Anges, non plus humble et pauvre, mais revêtue d'un manteau de reine. Sous le grand dôme, on retrouve la merveilleuse, la chère portion cul encore toute parfumée du souvenir de Saint François. C'est là où il a prié, où il a pleuré, où il a reçu de Dieu la grâce de fonder un grand ordre dans l'Église. En vérité, ce lieu est saint. Voyons ce qu'il conserve de ses anciens monuments. Notre-Dame des Anges est une des églises que Saint François avait fait réparer. Ottavio rapporte qu'en 352, quatre saints ermites de Palestine, s'étant établis près d'Assise, y bâtirent une chapelle qui fut nommée Sainte-Marie de Josepha, parce qu'ils y mirent une relique du sépulcre de la Sainte Vierge. Dans le VIe siècle, on la donna aux religieux de Saint-Benoît, qui la firent plus solide et moins petite. Saint-Bonaventure dit que depuis elle fut appelée Sainte-Marie des Anges, à cause des fréquentes apparitions qui faisaient les bienheureux esprits. Elle avait aussi le nom de Portioncule, qu'elle porte encore maintenant, parce que les bénédictins du Mont-sous-Baze, à qui elle appartenait, possédaient aux environs quelques portions de terre. C'était cette église que saint François avait choisie pour sa demeure, et c'est pour elle qu'il obtint de Jésus-Christ la fameuse indulgence de la Portioncule, qui fut ratifiée par le pape Honorius III, reconnue, confirmée et étendue, par ses successeurs, à toutes les églises de l'ordre des frères mineurs. La petite chapelle de la Portioncule est renfermée sous le dôme de la grande basilique de Notre-Dame des Anges, comme la Santa Casa dans la basilique de Lorette, mais la Portioncule présente quelque chose de plus saisissant au premier aspect, malgré l'infériorité des souvenirs qui s'y rattachent. Au lieu de ce magnifique revêtement de marbre et de sculpture qui recouvre entièrement l'extérieur de la Santa Casa de Lorette, la Portioncule est demeurée toute nue avec ses murs antiques et grossiers. Je ne sais quel parfum de sainte pauvreté s'exhale de cette chapelle vénérable. Le pavé de l'intérieur est littéralement usé par les genoux des pieux fidèles, et leurs baisers répétés et brûlants ont laissé leurs empreintes sur les murailles. Là, comme à la Santa Casa, nous nous trouvions au milieu de pèlerins dont la prière était des soupirs et des larmes. Comme l'âme se sent délicieusement remuée au contact de tant de foi, de tant d'amour, et en présence des touchants souvenirs de la Portioncule. Le même prodige de conservation que nous avons constaté aux cellules de Rivotorto se retrouve à la chapelle de la Portioncule. Deux fois la terre a violemment tremblé autour d'elle, en 1832 et en 1854, deux fois la grande basilique qui l'environne a été ébranlée et ses voûtes ont dû être relevées à grands frais. La Portioncule est demeurée intacte avec ses murs vieux de plus de 7 siècles. Aujourd'hui des peintures magnifiques glorifient sa pauvreté, mais la fresque d'Auerbach est celle qui frappe plus vivement. La vision de Saint François y est exprimée avec une foi et une simplicité qui font penser à Giotto et à Cimabue. À droite de la Portioncule, dans l'intérieur de la basilique, se trouve la petite cellule dans laquelle Saint François rendit son âme à Dieu. C'est là qu'il voulut être déposé sur la terre nue, et que frère Léon et frère Angèle chantèrent en chœur, à ses derniers moments, le cantique du soleil et de sa sœur la mort. Cette cellule a été convertie en oratoire, et on y voit un des plus anciens portraits de Saint François. Note. La chapelle était à l'origine une petite cellule de la primitive infirmerie franciscaine ou peut-être un petit terrain en plein air devant celle-ci, qui, immédiatement après la mort du saint, a été transformée en oratoire. Au-dessus du petit autel, dans un reliquaire de style empire, se trouve le cordon qui ceignait la taille du pauvre Hélot de son vivant. Sur les murs, quatre splendides fresques de Giovanni di Pietro di l'Espagnol, 2520, représentent les premiers compagnons du saint, Sylvestre, Ruffin, Léon, Masso et Gilgide, et les premiers martyrs et saints de l'ordre des mineurs. Berardo et ses compagnons. Derrière le petit autel, dans une niche, la statue du saint par Andrea della Robbia, une œuvre admirable en terre cuite vernissée, réalisée vers 1490, qui se trouve aujourd'hui dans la chapelle du Transitus, Transit, le lieu vénérable qui a accueilli les derniers battements de ce cœur qui ne s'est pas arrêté jusqu'à ce qu'il embrasse le monde entier. Sur cette image, François tient dans ses mains la croix et l'évangile, les grands amours de toute sa vie. Sur le mur extérieur de la chapelle, face à la petite église de la Portioncule, on peut contempler le Transitus de Saint François, une fresque peinte par Domenico Brucci en 1886. Fin de la note. Tout près de l'église, dans l'intérieur du couvent, on retrouve encore deux souvenirs bien touchants de la vie de Saint François. Le premier est une espèce de cave, une vraie prison souterraine, dans laquelle François se retirait pour se livrer plus librement à ses rudes pratiques de mortification qui, plus tard, au moment de sa mort, lui faisaient demander pardon à son corps de tant de mauvais traitements. Après Saint François, bien des imitateurs de sa sainteté sont venus se macérer ici, à l'exemple de leur père. Aussi ce lieu est saint, des inscriptions vous le rappellent, et le frère mineur qui vous introduit ne manque pas de s'agenouiller là comme dans un temple. Dans un petit jardin voisin, je fus conduit vers un massif de rosiers dont les roses blanches s'épanouissaient gracieusement au soleil. Au temps où vivait François, c'était de rudes épines qui couvraient ce sol. Un jour, le saint a s'y roulé nu, pour dompter la violence d'une tentation qui l'obsédait. La tentation fut vaincue, et l'attouchement de ses membres sanctifiés par la mortification changea les épines en branches de rosier. Touchante transformation qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours, et qui nous a permis d'emporter, comme souvenir de pèlerinage, une branche des rosiers de Saint François d'Assise. Plus tard, dans un autre pèlerinage, à Subiaco, aux environs de Rome, nous avons retrouvé un autre souvenir de Saint François, qui nous rappela les rosiers de Notre-Dame des Anges. Le Saint Patriarche était allé vénérer les lieux sanctifiés par la vie et les prodiges de Saint Benoît. On lui montra, dans un jardin, les buissons d'épines au milieu desquels le saint pénitent amortissait le feu de ses tentations. Un jour, Saint François se mit en prière en cet endroit, fit le signe de la croix sur les buissons d'épines, et ils furent, à l'instant, transformés en rosiers, qui se sont propagés jusqu'à présent. Nous avons dit, dans notre introduction au Fioretti, comment s'explique cette merveilleuse puissance de Saint François sur la nature. Le sens vraiment chrétien n'éprouve aucune difficulté dans la perception de ces prodiges. Nous avons visité, à Venise, les plombs et les puits, ces terribles cachots du palais ducal. En vérité, les prisonniers d'État qu'on y tenait enfermés devaient y souffrir une cruelle torture, et cependant, on a beaucoup exagéré l'horreur de ces sombres prisons. Ce qui nous a plus vivement impressionnés encore, à Assise, ce sont ces cellules, ou plutôt ces grottes cellulaires creusées dans les entrailles des rochers, ou formées par leurs déchirures naturelles, qui servirent d'habitation à Saint François et à ses premiers disciples. Ils appelaient couvent l'ensemble de ces cellules abruptes. Plus tard, on leur donna le nom plus juste de prison, carcérie. Nous les appellerions plus volontiers encore les cavernes de Saint François. Le Saint Patriarche avait visité, à Subiaco, ces cavernes sauvages, ces nids d'aigles au flanc des rochers, où Saint Benoît et ses compagnons s'étaient abrités entre le ciel et la terre, et, de retour à Assise, ils s'en étaient allés parcourant les hautes montagnes qui la couronnent. Il y avait trouvé des repères abandonnés et silencieux, et ce fut l'endroit qu'il choisit pour venir quelquefois se retremper, loin du monde, dans une solitude qu'aucun bruit humain ne put troubler. Les anachorètes des premiers siècles chrétiens eussent été jaloux de ces abris sauvages. Maintenant encore, on les voit, ces prisons, telles qu'elles étaient au temps de Saint François, les siècles ne pourront rien contre le granit qui les forme. Vous entrez dans une de ces tanières que rien ne ferme, vous y trouvez des parois nues et rudes. Quelques arêtes de rochers, un banc de granit y servait tout à la fois de siège, de table et d'oreiller, et voilà tout l'ameublement de ces cellules franciscaines. En descendant la montagne escarpée qui conduit aux prisons, nous comparions entre elles la vie de ces anges de la terre qui y demeuraient, et celle de tant de pécheurs qui ne recherchent ici-bas que la satisfaction de leurs sens. Et la pensée du suprême jugement nous faisait frissonner. En entrant dans Assise par la route de Foligno, nous nous arrêtâmes un instant devant sa porte monumentale. Dans le lointain, au fond de la vallée qu'elle domine, nous apercevions la ville de Spolet dont les maisons blanchissaient au soleil. Nous pouvions même distinguer, sur la route d'Assise, une porte historique, dont nous avions lu, quelques jours auparavant, la glorieuse inscription. Vivement repoussée par les habitants de ce municipe romain. Assise, elle, a choisi pour sa porte principale une inscription étrangère à toute idée mondaine, c'est comme une voix du ciel. On y a gravé les paroles de la dernière bénédiction qui lui fut donnée par Saint François. Avant d'arriver à Sainte-Marie des Anges, où ses disciples le transportaient, le Saint Patriarche, aveugle et mourant, se fit tourner vers sa chère cité, et il lui dit, « Ô cité chérie, soyez bénie du Seigneur parce que beaucoup d'âmes seront sauvées en vous et par vous. Un grand nombre de serviteurs du Très-Haut demeureront dans l'enceinte de vos murailles, et plusieurs de vos citoyens seront choisis pour la vie éternelle. » Les rues d'Assise, avec leurs fresques antiques, annonce la présence de l'Église sépulcrale par les souvenirs qu'elle rappelle. Quel que soit le sujet particulier de ces peintures, on voit qu'elles sont là toutes à l'occasion du tombeau de Saint François, et que ce monument a toujours été le centre auquel se sont attachés tous les artistes d'Assise. Cimabue et Giotto, ces deux aigles de la peinture, s'étaient posés sur cette humble tombe, et, derrière eux, de nombreux élèves se rendirent successivement et se pressèrent sur ce point où leurs illustres maîtres avaient fixé leur vol. Ceux-ci avaient réservé pour eux-mêmes les murailles de la basilique, leurs disciples s'attachèrent à l'embellissement des rues de la ville. 12 couvents d'hommes et de femmes, appartenant aux 4 branches de la grande famille franciscaine, s'élèvent comme autant de tentes à l'ombre de la basilique et près du pavillon patriarcal sous lequel repose leur père. Dans plusieurs de ces couvents et dans quelques autres édifices, des monuments, sanctifiés par ses vertus, présentent encore les traces vives de sa mémoire. La maison paternelle de Saint François est devenue l'église neuve. Ses 5 coupoles, à l'imitation des églises grecques, forment une exception architecturale qui ne se retrouve dans aucune autre église d'Assise. Elles ont été construites en mémoire des 5 stigmates de Saint François. Cette église conserve encore quelques murailles de l'ancienne maison. Tout près de là, nous avons visité la chambre, ou plutôt l'étable dans laquelle naquit le bienheureux. La cathédrale, construite quelques années avant sa naissance par Jean de Gulbio, a subi à l'intérieur, dans le courant du XVIIe siècle, une malheureuse transformation, si l'on en juge par les arabesques de la façade, telle qu'elle est cependant, elle conserve encore un souvenir de Saint François. Ce sont les fonts baptismaux sur lesquels il fut régénéré. Sa mémoire a protégé ce monument antique. À Sainte-Claire, à Saint-Damien et à l'église neuve, on retrouve aussi, d'abord le crucifix si célèbre dans l'histoire du serviteur de Dieu, puis la cassette dans laquelle il jetait l'argent qu'on lui apportait pour la réparation de l'église de Saint-Damien, et enfin la prison dans laquelle il fut enfermé par son père. On voit encore, à l'évêché, la salle où il put enfin s'affranchir des persécutions paternelles. C'est là, qu'en présence de l'évêque, il se dépouilla de ses vêtements, en déclarant qu'il renonçait à tout héritage, et que Dieu seul serait désormais son père. Dans la chapelle de la Portioncule, à Sainte-Marie-des-Anges, Dieu ratifia, en l'appelant à la pauvreté apostolique, la détermination que Saint François avait prise dans la salle de l'évêché. Or, tous ces faits et ces souvenirs appartiennent à la première période de sa vie, mais, à partir du point où nous en sommes, à la Portioncule, entre les faits de la jeunesse du Saint Patriarche et ceux de sa virilité, sa mémoire s'éclipse presque entièrement dans les monuments d'Assise. C'est qu'on est arrivé à cette grande époque de sa vie, pendant laquelle il chercha si persévéramment à se dérober à la connaissance du monde. Mais quand on approche du terme de cette sainte vie, c'est alors que les monuments reparaissent. Le trésor de la basilique possède plusieurs pièces des vêtements que Saint François portait dans ses dernières années, et nous y avons remarqué surtout la bénédiction qu'il écrivit sur le mont Alverne, pour le frère Léon, et qu'il signa de la lettre T. Au monastère de Sainte-Claire, on conserve des vêtements travaillés de ses mains pour son père séraphique et des linges imbibés du sang de ses stigmates. Un hôpital rappelle encore l'ancien Spedalicchio, ce petit hospice près duquel Saint François se fit tourner vers la ville d'Assise, pour la bénir une dernière fois. À Sainte-Marie-des-Anges, à côté de la chapelle où le Saint Patriarche s'était dépouillé de tous ses biens, nous l'avons dit, le pèlerin s'agenouille dans la cellule d'où son âme s'est envolée vers le ciel. Beaucoup d'hommes, à notre époque, ne comprennent pas le sentiment avec lequel la piété chrétienne suit jusqu'au moindre vestige de la vie de Saint François d'Assise. Cependant, alors même qu'ils ne l'apprécieraient que selon la mesure de leurs idées purement naturelles, il semble qu'ils devraient encore trouver que cet homme était vraiment grand dans ses œuvres. La simple bienfaisance, L'esprit d'association, le culte des arts, devrait au moins trouver grâce devant eux. Cet homme que personne n'a jamais surpassé dans son zèle à secourir les souffrances du pauvre, cet homme qui a remué le monde avec les ordres religieux dont il fut le fondateur, cet homme enfin qui, du fond de sa tombe, a fait surgir tant de chefs-d'œuvre artistiques qui célèbrent à l'envi sa glorieuse mémoire, comment ne pas le saluer au moins comme un homme merveilleux? L'idée fondamentale de saint François d'Assise est une des plus nobles pensées qui soient jamais venues à l'esprit d'un homme. Cette pauvreté volontaire est toujours laborieuse dont il était épris, une distance infinie la sépare du vice social de la mendicité désœuvrée. Saint François et ses compagnons disaient au peuple, « Nous venons vers vous comme vos auxiliaires et vos amis, à vous notre temps. » Nos travaux, notre amour et tous nos services. Mais, vous le savez, l'ouvrier convient d'un prix avant d'engager son travail, c'est la condition préliminaire, et, s'il le souhaite, on la rédige en contrat formel, et le représentant de la loi y appose son sceau. Or, voici nos conditions, à nous, notre salaire, ce sera la joie de vous faire du bien, votre charité en sera le contrat, et c'est Dieu lui-même qui ratifiera la légalité de cet acte. Évidemment, ces conditions étaient encore plus avantageuses pour le peuple qui pouvait s'y fier que pour les hommes apostoliques qui voulaient bien s'en contenter. Trois principes divers caractérisent les relations sociales et servent à mesurer jusqu'à quel point elles se rapprochent ou s'éloignent du type idéal de cette fraternité parfaite que la foi nous montre dans le ciel. La violence d'abord, qui doit armer parfois le bras de la justice elle-même qui détermine rigoureusement les inflexibles exigences du droit, et enfin un troisième principe qui n'invoque ni la force ni la justice, et c'est la charité gratuite qui offre ses services à la charité libre. Disons-le, un siècle dont les opinions seraient incompatibles avec toute institution basée sur ce principe renoncerait, par là même, à toute dignité, à toute grandeur dans sa constitution. Il ne ferait plus que prouver une seule chose, c'est qu'il serait tombé trop bas dans l'égoïsme pour s'élever jamais jusqu'à la noblesse dans les idées et les principes. Ces considérations se présentent naturellement sur mon chemin, et je les recueille, mais grâce à Dieu, je n'ai pas du tout besoin de l'approbation de la philosophie, pour continuer mon pèlerinage jusqu'à la tombe du pauvre d'Assise, le principal gardien de ce tombeau. C'est le vaste couvent qui touche à l'église patriarcale, et que l'on appelle le Sacro Convento, parce qu'il a été béni et consacré à la manière des basiliques. Les arcades qui lui servent de portique, le long de sa principale façade, donnent à cet édifice plutôt la physionomie d'une église que d'une habitation claustrale. Dans l'intérieur, les corridors du cloître, la salle de l'ancien chapitre, les réfectoires, les chambres des étrangers et l'appartement papal, furent jadis ornés de peintures remarquables, mais le temps les a considérablement endommagés. Les portraits des généraux de l'ordre, et quelques belles têtes de bienheureux, les fils de saint François, forment là comme un magnifique cortège à leur saint fondateur. On serait tenté de croire du Sacro Convento que c'est la sacristie de la basilique. Pour bien se rendre compte de la pensée générale de cette basilique, il faut se rappeler d'abord que l'architecture, la peinture et la musique ne sont, en réalité, que les formes variées de la poésie qu'elles expriment par des lignes, des couleurs et des sons. La poésie est l'art par excellence, la mère, ou du moins, la sœur aînée des trois autres. Le plus souvent, en effet, C'est elle qui se manifeste la première dans sa forme propre, et les autres ne font que marcher à sa suite. Quelquefois cependant, elle commence par se révéler sous la forme d'une mélodie, d'un tableau, d'un monument, pour se transformer plus tard en ode ou en épopée. Toute grande conception poétique éveille et provoque inévitablement des œuvres qui la reproduisent à leur manière, dans le domaine des autres arts. Et tout grand travail qui en est l'expression finit aussi par inspirer quelques créations poétiques qui lui correspondent. Toujours ces conceptions sont les avant-coureurs ou les compléments réciproques les uns des autres. L'architecture a eu la première part dans la glorification du héros d'Assise. Il était mort en 1226, et déjà, en 1230, la basilique s'élevait sous la direction de l'Allemande Giacomo, architecte de réputation que le frère Élie avait demandé à l'empereur d'Allemagne. Cette basilique se compose de deux églises superposées, et l'observateur saisit bien vite le contraste que l'architecte a voulu produire. Le souvenir est, pour ainsi dire, l'image de l'abnégation de saint François s'y harmonise merveilleusement avec l'expression de sa gloire céleste. L'église inférieure est triste et sombre, la seconde est éblouissante de lumière. La première vous fait venir les larmes aux yeux, la seconde vous réjouit le cœur. L'une rappelle la pénitence et la vie mortifiée du séraphique patriarche, l'autre nous le fait entrevoir glorieuse et couronnée dans le séjour des cieux. L'idée de la pénitence terrestre, avec son cortège de sacrifices volontaires et de souffrances résignées, l'idée d'une immortelle et glorieuse transfiguration, telle est, en général, le double aspect chrétien que l'architecture doit s'efforcer de reproduire, pour exprimer la structure de ce temple dont Dieu lui-même a posé les fondements. Pour cela, le génie chrétien a conçu deux systèmes d'édifices religieux, qui ont chacun leur racine dans l'essence même du christianisme. Le premier se rapporte plus particulièrement, dans ses traits principaux, à cette douce tristesse, à cette espérance plaintive, qui donne à la prière son plus fécond élément. L'autre exprime plus vivement ses joies ineffables, que la prière connaît aussi, ces bienheureuses extases que les saints éprouvent quelquefois sur la terre et dans lesquelles ils trouvent un avant-goût du ciel. La difficulté d'exprimer simultanément cette double idée, dans l'ordonnance générale d'un édifice, constitue un des problèmes fondamentaux de l'architecture chrétienne. Or, telle est la difficulté qu'on s'est efforcé de résoudre dans la basilique d'Assise, et l'on y est parvenu en construisant une église à deux étages, qui correspondent à cette double conception, par leur situation respective et par les caractères particuliers qui s'y trouvent exprimés. Un auteur italien incline à reconnaître un effet surnaturel de la divine providence dans la création d'un temple si merveilleusement ordonné. Il doute qu'on puisse l'expliquer autrement dans des siècles qui commençaient à peine à sortir des ténèbres de l'ignorance et de la barbarie. Cependant, quand surtout nous nous rappelons que ces siècles trop dépréciés ont su produire d'ailleurs Cimabue, Giotto et Dante, il nous paraît bien plus logique de ne voir dans ce monument que la production simple et naturelle d'une époque de foi et de poésie. Tout le merveilleux était dans le génie de ces artistes et de ces poètes. Ce serait bien plutôt un miracle de voir s'élever un monument de ce genre, au XVIIIe siècle par exemple, avec les idées qui régnaient alors sur l'art, ou plutôt contre l'art chrétien. Mais le XVIIIe siècle ne se piquait pas de mysticisme, et il avait trop d'esprit pour glorifier Dieu par un tel acte de foi. L'architecture avait fourni sa part de travail à la tombe de saint François. À son tour, et avec plus d'amour encore, la peinture se présenta, et elle couvrit de ses fresques merveilleuses les murs, les arcs et les voûtes des deux basiliques. Malheureusement, ces parois illustrées par le pinceau des Cimabue, des Giotto et des Buffalmacco, sont aujourd'hui, en grande partie, délabrées. Sous le règne de fausses idées, en fait d'art, le dédain et l'oubli avaient jeté sur ces peintures une poussière encore plus funeste que celle du temps, et l'ancien génie chrétien, méconnu, humilié, repoussé, fut traité, pour ainsi dire, comme un mendiant de la basilique d'Assise. Aujourd'hui cependant, on commence à lui rendre justice, il a trouvé des amis, des courtisans, et même de glorieux vassaux. Auerbach lui a déjà offert un premier tribut de son génie, mais il ne l'a point placé dans la basilique du Sacro Convento, ce temple qui n'est beau que des peintures des anciens maîtres. C'est à l'église de Sainte-Marie des Anges qu'il s'est arrêté. Il a déposé là son tribut, comme une de ces modestes offrandes que l'on présente au seuil des palais, mais qui mérite cependant l'honneur des plus belles salles. Je n'ai ni le temps ni le droit de parler longuement des peintures d'Assise, après les savantes études qui ont été faites sur ce sujet. Cependant, je ne puis passer sous silence les quatre fresques de Giotto, qui représentent les vertus et le triomphe de saint François, et qui sont disposées en forme de couronne au-dessus de sa tombe. Il est admirable de voir avec quelle vigueur de sentiment chrétien l'artiste a traité son sujet. Suivant sa conception, les quatre principales vertus de saint François sont les préliminaires de son triomphe, et le pinceau devait les représenter hardiment sous le caractère qui effraie le plus la faiblesse humaine. La chasteté est donc la retirée dans une forteresse, sous la protection de gens armés. La pénitence précipite dans de profonds abîmes l'amour impur et la mort. L'obéissance reçoit le joug imposé à l'orgueil comme à un animal furieux. Dans le mariage de saint François avec la pauvreté, celle-ci est couverte d'épines de la tête aux pieds, un chien aboie après elle, et un misérable lui jette des pierres. Dans les siècles de foi, quand il s'agissait de productions artistiques, le sentiment public acceptait comme bien naturel ce contraste de l'abnégation chrétienne avec le triomphe qui l'attend. Mais aujourd'hui, on ne comprend plus ce langage, ou du moins l'affaiblissement des croyances et des mœurs demande qu'on le présente sous une forme adoucie. Il faut bien le reconnaître. Cette disposition générale contribue singulièrement à égarer les artistes, lorsqu'ils traitent des sujets chrétiens sans être guidés par le flambeau de la foi. Il leur est trop difficile de trouver en eux-mêmes une puissance qui les défende contre la tentation de flatter les fausses délicatesses du siècle, pour en obtenir les suffrages. Oui. L'art religieux de notre époque se fait bientôt courtisan et esclave. S'il ne se retranche pas dans une conscience sévère, et il est fort exposé à donner dans le travers, lorsqu'il n'a point puisé ses inspirations au pied de la croix. Il y a des temps où le danger devient plus imminent que jamais, c'est un abîme qui s'entr'ouvre alors sous les pieds de l'artiste, et son art ne peut y échapper qu'à la condition de devenir une vertu. La méditation sérieuse de ce grave sujet serait une étude bien fructueuse pour ceux qui cultivent les arts, et vraiment je ne connais pas une retraite plus propre à cette méditation que la ville d'Assise avec son silence et sa paix, et que la basilique patriarcale avec ses magnifiques peintures. Les peintres qui font le pèlerinage d'Assise peuvent aussi s'inspirer aux chants religieux qu'ils y entendent. En général, il nous semble que la musique est d'une intelligence plus facile pour le peintre que la peinture ne l'est pour le musicien. La musique, en effet, est une parole poétique, comme la peinture est une écriture illustrée. Or, la faculté du langage est plus naturelle que celle de l'écriture. Quoi qu'il en soit, les chants de la basilique d'Assise font mieux comprendre ces peintures. C'est un bonheur, sous ce rapport, que les papes lui aient conféré le titre de basilique patriarcale. Ce privilège l'oblige à l'entretien d'une chapelle et d'un chœur de musiciens, comme les grandes basiliques de Rome, Saint-Jean de Latran, Saint-Pierre et Sainte-Marie Majeure. La musique journalière du matin et du soir est plus solennelle et mieux exécutée, à la basilique franciscaine, qu'elle ne l'est dans un grand nombre de nos cathédrales, au jour des plus grandes fêtes. Aux plus simples offices, le samedi surtout, à l'office ordinaire qu'on célèbre en mémoire de la mort de Saint François, la musique prend un caractère antique merveilleusement en harmonie avec celui de la basilique. Nulle part ailleurs, nous n'avions entendu des accents plus suaves et plus touchants. Ce n'était pas assez que l'architecture eût donné à Saint François sa basilique patriarcale et que la peinture se fût chargée de perpétuer son éloge funèbre, la musique, elle aussi, devait répéter harmonieusement son dernier soupir à toutes les générations. Ces trois arts avaient déjà rendu leurs hommages à la mémoire de Saint François, quand la poésie lui érigea son monument dans le paradis du Dante. C'est là que son image vénérable se trouve reproduite dans les vers les plus gracieux. L'idée du mariage de Saint François avec la pauvreté est encore plus délicieusement exprimée dans la description du poète que dans les peintures de Giotto, son ami. La musique si douce de l'office de Saint François n'a pas plus de suavité que les quelques vers du Dante sur la mort séraphique du Saint Patriarche. Tout ce passage de son poème, ou du moins les vers qui lui servent de prélude, serait une épigraphe magnifique et digne d'être gravée au fronton de la basilique. Entre le Tupino et la rivière qui s'écoule de la colline choisie par le bienheureux Ubal, descend d'une haute montagne une côte fertile. À l'endroit d'où Pérouse reçoit le froid et le chaud par la porte du soleil, et sur l'autre revers, pleure sous un joug pesant nos serres et galdeaux. Au point où cette côte adoucit sa pente, naquit au monde un soleil comme celui-ci sort du Gange. Et que ceux qui veulent parler de ce lieu ne l'appellent point Assise, car ce nom ne dirait pas assez, mais il faudrait l'appeler Orient. En lisant ces lignes dans le texte original, on croit entendre l'écho des cris joyeux et populaires au milieu desquels fut élevée la basilique d'Assise. L'ancien nom de la colline sur laquelle elle fut construite changea bientôt, c'était la colline de l'enfer, elle fut appelée la colline du paradis. Les infâmes gibets furent remplacés par des chefs-d'œuvre de sculpture. Au lieu des cris sinistres des suppliciés, on entendit les plus douces mélodies, et le bourreau fit place au génie, à genoux au pied de la sainteté. Non, il n'y a point, dans le monde, un coin de terre qui ait subi, dans l'espace de 2 ou 3 ans, une semblable transformation. La tombe à laquelle on doit rapporter tous ces changements se trouve sous le grand autel, au lieu même qui fut choisi par Saint François d'Assise. Aussitôt après sa mort, son corps avait été déposé dans l'église de Saint-Georges, aujourd'hui le tombeau de Saint-Clair, et il y demeura jusqu'à l'achèvement de la grande basilique que le frère Élie faisait construire. Les travaux furent poussés avec tant d'activité, qu'au bout de 3 ans, l'église fut disposée pour la cérémonie de la translation solennelle. L'enthousiasme populaire qui se manifesta dans cette circonstance donna lieu à un incident qui servit de prétexte pour jeter quelques doutes à l'endroit de la tombe de Saint François. Une foule de peuples était venue de tous les pays voisins, et la multitude augmenta au point qu'elle dut s'établir au milieu des champs, faute de logement pour la recevoir en ville. 2000 frères mineurs étaient arrivés de toutes les provinces, et l'on put vraiment craindre que l'enthousiasme ne portât cette foule immense à quelques pieuses exagérations. Cependant le Saint-Corps fut levé de terre, au bruit des trompettes et des acclamations du peuple, et porté par les trois légats du pape et frère Élie, sur un char merveilleusement décoré et traîné par des bœufs couverts de caparaçons d'écarlate. Les frères mineurs marchèrent sur deux longues files, portant des palmes et des flambeaux. Les magistrats, suivis d'une troupe de citoyens armés, fermaient la marche et comprimaient les flots du peuple qui se pressait de toutes parts. Arrivés à la colline du paradis, les habitants d'Assise virent un mouvement qui leur fit craindre qu'on ne voulût enlever leur trésor. Aussitôt, ils se précipitèrent sur le char, s'emparèrent violemment du Saint-Corps, entrèrent dans l'église, fermèrent les portes, et placèrent le dépôt sacré dans le lieu qui avait été choisi, sans qu'il fût permis aux prêtres, aux frères et au peuple de lui rendre aucun honneur. Le pape Grégoire IX, informé de ce grave désordre, en fut douloureusement irrité. Il en écrivit aux évêques de Pérouse et de Spolète, et reprocha très amèrement aux habitants d'Assise d'avoir osé porter leurs mains sacrilèges et profanes sur les reliques sacrées du Saint Patriarche. Évidemment, ces reproches témoignaient seulement que les Assisiens s'étaient emparés de force du corps de Saint François, afin de le soustraire au dangereux empressement de la multitude. Mais on abusa de cette plainte du pape, et l'on en conclut que les habitants d'Assise, au lieu de déposer le corps saint dans la tombe qui lui était destinée, auraient bien pu le cacher dans quelque endroit secret, pour s'en assurer la possession exclusive et perpétuelle. À l'appui de ce doute, on alléguait aussi le mystère avec lequel on avait procédé à l'inhumation, et si ces soupçons avaient prévalu, Saint François aurait dû l'obscurité qu'il avait tant souhaitée pour sa sépulture aux précautions même qui avaient été suggérées par la popularité de sa gloire. Mais cette prétendue incertitude n'avait aucun fondement sérieux. Les témoignages contemporains, les récits des historiens, les rescrits et les bulles des papes, certifiait que la dépouille mortelle de Saint François reposait dans la grande basilique d'Assise. Et toutefois, il y avait toujours des contradicteurs, lorsque, en 1818, le supérieur général des conventuels, voulant mettre fin à cette polémique funèbre, résolut de faire exécuter des fouilles pour reconnaître authentiquement la tombe de Saint François. Il ne pouvait y avoir de doute relativement à l'endroit où il fallait commencer les travaux, car, d'abord, une tradition du couvent attestait qu'un souterrain existait sous le grand autel. Une inscription, toute postérieure qu'elle était au XIIIe siècle, fournissait un autre indice qui n'était pas suspect. Sur un des marbres de l'autel on lisait ces mots, « Sepulchrum gloriosum ». Les anciennes peintures fournissaient aussi leurs preuves. Il y avait dans la basilique un tableau du célèbre Giunta de Pise, l'ami de Saint François, qui était le plus ancien portrait connu du patriarche séraphique. Or, sur un des compartiments de ce tableau, que l'on conserve encore à la basilique, on voyait l'autel provisoire de bois, qui avait été disposé pour la solennité de la translation, en attendant l'autel de marbre construit quelques années plus tard. Auprès de cet autel, des frères mineurs priaient, des lampes brûlaient, et des miracles étaient opérés. Sans aucun doute, cette peinture se rapportait à quelques faits relatifs à saint François d'Assise, et elle s'expliquait tout naturellement par la présence même de sa tombe sous cet autel. Le fait était donc d'une notoriété publique. Les fresques de Giotto représentant le triomphe de saint François, au-dessus du grand autel, parlaient dans le même sens. D'un autre côté, les règlements ecclésiastiques mettaient, pour ainsi dire, le sceau à ces témoignages de la peinture. On sait, en effet, que lorsqu'une basilique possède le corps du saint auquel elle est consacrée, une ancienne coutume veut que la principale relique se trouve placée sous le grand autel. D'ailleurs, les lois de l'Église n'ont jamais permis de déposer sous un autel aucun homme dont la sainteté n'eût été d'abord reconnue régulièrement. Or, nul autre saint n'avait été déposé dans le souterrain au-dessous du grand autel de la basilique, jusqu'à l'établissement de l'autel définitif, ni même à aucune autre époque postérieure. Déjà donc on avait la certitude que si l'on venait à découvrir une tombe en cet endroit, ce ne pouvait en être une autre que celle de saint François. Enfin, ce lieu était positivement indiqué dans une bulle de Sixte V. Ce fut donc là que l'on commença les fouilles. Après un travail de 50 nuits, on arriva, par une voie souterraine, à une construction située dans les entrailles de la pierre vive, sur laquelle s'élève la basilique. Dans l'intérieur se trouvait un espace creux et recouvert de trois grandes pierres superposées. Lorsqu'on les eut retirées, on trouva une grille de fer qui entourait une espèce de cercueil de pierre. C'était le moment décisif. À la clarté d'un petit cierge qu'on introduisit à travers les barreaux de la grille, on aperçut un squelette. Quelques parties de la tête, sur lesquelles l'humidité avait formé une sorte de cristallisation, présentaient divers points luisants. Les ossements des bras étaient en croix sur la poitrine, suivant l'habitude qu'en avait saint François pendant sa vie. La pauvreté que respirait cette sépulture rendait bien témoignage à son authenticité. Grossièrement travaillé et presque informe, le cercueil de pierre n'était pas proportionné à la stature du saint, qui était beaucoup plus petit. Il ne paraissait pas même avoir été préparé pour lui, car, à l'un des angles, on remarquait une ouverture qui semblait indiquer que ce cercueil avait été primitivement le bassin d'une fontaine. Sous la tête du squelette, une pierre tenait lieu de coussin mortuaire. On sait que c'était aussi là l'oreiller de saint François pendant sa vie. Une petite parcelle d'étoffe très mince, la seule qui ait été retrouvée, porte fortement à croire que le corps n'avait été enveloppé que d'un simple drap de toile, car, s'il avait été enseveli avec ses vêtements de grosse étoffe et sa ceinture de corde, les débris en auraient été retrouvés, ou du moins, ils auraient laissé quelques traces de poussière. Cette tombe, sur toutes ses faces, était d'une nudité complète. Les premiers disciples de saint François s'étaient appliqués, à cet égard, à remplir les dernières volontés de leur père. Quelques instants avant de mourir, ils s'étaient fait étendre sans vêtements sur la terre nue, pour ne rien emporter de ce monde, et, comme l'a si bien dit le Dante, il ne voulut que le cercueil de la pauvreté. Et maintenant, voyez quel fut le sort de ce pauvre cercueil. À quelques pieds au-dessus de la grille de fer qui le fermait d'abord, s'élève aujourd'hui un double autel magnifique, enrichi des marbres les plus précieux. Les chefs-d'œuvre de Giotto le couronnent comme d'un arc de triomphe, et, tout autour, on admire les merveilles de la basilique inférieure. Au-dessus de cette première église, la basilique supérieure est couverte de fresques ravissantes, et les peintures de Cimabue embellissent sa voûte. Tout près, le sacro-convento et la résidence papale sont là comme les sentinelles préposées à sa garde. Dans l'intérieur de la ville, un essaim de couvents et d'églises environne cette tombe, comme de nombreux enfants autour de leur mère. Le long des rues, sur les portes de la ville, des peintures et des inscriptions annoncent sa présence, et trois couvents célèbres s'élèvent à quelque distance les uns des autres, dans la campagne. Comme les ouvrages avancés de la basilique patriarcale, voilà donc le mausolée de Jean Bernardone, surnommé François, et cet homme, c'était l'humble fils de Pierre Bernardone et de Pica, marchand d'Assise. Note. Sur les monuments franciscains d'Assise. Première note. Quelques jours avant la naissance de François, Pica, sa mère, souffrait de grandes douleurs. Un pèlerin vint avertir qu'elle ne serait délivrée que dans une étable, et que son enfant devait naître sur la paille. Ce conseil parut étrange, cependant il fut suivi, et la mère eut une heureuse délivrance. Plus tard, cette étable devint une chapelle, que l'on appela San Francesco il Piccolo, Saint François le Petit. Sur la porte, on lit cette inscription latine en caractère fort ancien. Cette chapelle a été l'étable du bœuf et de l'âne, où est né François, le miroir du monde. Deuxième note. Au baptême de François, un inconnu se présenta pour le tenir sur les fonts, il le pressait dans ses bras avec tendresse. C'était un ange envoyé de Dieu, dit Wadding, Annal Minorum, tome 1er. Troisième note. Un jour François se promenait, en méditant, dans la campagne, il se dirigea vers la vieille église de Saint-Damien pour y faire sa prière. Prosterné devant le crucifix, il prononça trois fois, avec une grande dévotion, ces belles paroles qu'il répéta si souvent depuis. Grand Dieu, plein de gloire, et vous, mon Seigneur Jésus-Christ, je vous prie de m'éclairer et de dissiper les ténèbres de mon esprit, de me donner une foi pure, une ferme espérance et une parfaite charité. Faites, ô mon Dieu, que je vous connaisse si bien, qu'en toute chose, je n'agisse jamais que selon vos lumières et conformément à votre sainte volonté. Et, les yeux baignés de larmes, il regardait très amoureusement le crucifix. Alors, il entendit par trois fois ces paroles prophétiques. François, va, répare ma maison que tu vois tout en ruine. Il ne les comprit pas d'abord, il les prit dans un sens matériel, et travailla aussitôt à la réparation de l'église de Saint-Damien, mais, plus tard, la fondation de ces trois ordres contribua plus efficacement à la restauration de la société chrétienne. Nous avons vu ce crucifix qui parla à Saint François, il est d'une composition bien simple, mais, indépendamment du souvenir qui s'y rattache, il inspire par lui-même une impression de piété dont on ne peut se rendre compte qu'en tombant à genoux devant lui dans une fervente prière. Quatrième note. Bernardone ne pouvait supporter que François, son fils, embrassa un genre de vie qu'il exposait à la risée du monde, il était surtout furieux de le voir se dépouiller de tout ce qu'il possédait pour le donner aux pauvres, ou le consacrer à la réparation des églises. Un jour, il poussa la brutalité jusqu'à le frapper violemment, puis, il le renferma dans un endroit obscur que l'on voit encore aujourd'hui, et que l'on appelle la prison de Saint-François. Cinquième note, d'après l'avis des magistrats, Bernardone eut recours à Vico Secundi, évêque d'Assise, Pour arrêter les libéralités de son fils, l'évêque fit donc appeler François, et il lui dit « Votre père est très irrité contre vous, si vous voulez servir Dieu, rendez-lui l'argent que vous avez. Mon fils, ayez confiance en Dieu, ne craignez pas, il sera votre aide, et, pour le bien de son Église, il vous donnera tout ce qui est nécessaire. » Encouragé par ces paroles de l'évêque, et comme enivré de Dieu, François se leva et dit « Maître, je lui rendrai tout ce qui est à lui, même mes vêtements. » Et il se déshabilla, puis, déposant tout devant l'évêque, « Écoutez et comprenez, » dit-il, « jusqu'à présent, j'ai appelé Pierre Bernardone, mon père, désormais je puis dire hardiment, Notre Père, qui êtes aux cieux, en qui j'ai mis tout mon trésor et la foi de mes espérances. » Tous les assistants furent émus jusqu'aux larmes, et maudirent la rapacité impitoyable de Pierre Bernardone. L'évêque, ravi de la plus tendre admiration, ouvrit ses bras et son cœur à François, il le couvrit du manteau que l'on voit encore à Saint-Georges, au couvent des Clarisses. Sixième note. Le Sacro Convento est occupé par les frères mineurs conventuels, c'est à ces religieux qu'est confiée la garde d'honneur du tombeau de Saint François et de la basilique patriarcale. Une recommandation précieuse nous a mérité la faveur de passer plusieurs jours dans l'intimité de ces dignes enfants de Saint François. Et nous avons pu constater par nous-mêmes qu'ils n'ont rien oublié de ces saintes et antiques traditions. La science religieuse est peut-être plus en honneur, ou du moins elle est plus cultivée chez les conventuels que dans aucune autre branche de la famille de Saint François. C'était une bonne fortune, pour nous, que de pouvoir étudier les monuments franciscains sous leur direction. Indépendamment des nombreuses ressources bibliographiques qu'ils nous offraient, nous avons trouvé, en plusieurs d'entre eux, une science, une érudition, un goût artistique, qui n'étaient dépassés que par la modestie et la charité avec lesquelles ils en faisaient usage. Nous serions bien heureux que ces lignes leur parvinssent comme un témoignage public de notre affectueuse reconnaissance. Septième note. Cette magnifique peinture d'Auerbach représente la vision de Saint François, et voici quel en est le sujet. C'était au mois d'octobre 1221, François, prosterné dans sa cellule de Notre-Dame des Anges, priait Dieu avec larmes pour la conversion des pécheurs, lorsqu'il fut averti par un ange d'aller à l'église. Il y trouva notre Seigneur Jésus-Christ, sa très sainte mère et une multitude d'esprits célestes. Le Christ lui dit, « François, vous et vos frères vous avez un grand zèle pour le salut des âmes, en vérité, vous avez été placé comme un flambeau dans le monde et comme le soutien de l'Église. Demandez donc ce que vous voudrez, pour le bien et la consolation des peuples, et pour ma gloire. » François fit cette prière. Notre Père très saint, je vous supplie, quoique je ne sois qu'un misérable pécheur, d'avoir la bonté d'accorder aux hommes, que tous ceux qui visiteront cette église reçoivent une indulgence plénière de tous leurs péchés, après s'en être confessé à un prêtre, et je prie la bienheureuse Vierge, votre mère, l'avocat du genre humain, d'intercéder pour m'obtenir cette grâce. » Marie inclina son cœur vers son fils bien-aimé, et il se passa, dans ce paradis, tout un mystère d'amour. Jésus dit à François, « Cela est grand, mais vous recevrez des faveurs plus grandes encore. Je vous accorde ce que vous demandez, mais que cela soit ratifié, sur la terre, par celui à qui j'ai donné le pouvoir de lier et de délier. » Et en effet, cette indulgence fut ratifiée par Honorius III, confirmé et étendu, par ses successeurs, à toutes les églises de l'ordre des frères mineurs. Bien des peuples manquent maintenant à ce saint rendez-vous d'indulgence et d'amour, mais les Italiens y sont restés fidèles. C'est là où il faut les voir avec leurs costumes si gracieux et si variés. C'est là, dans cette grande fête populaire du 2 août, que le peuple italien apparaît réellement peuple roi, roi de la grâce, de la poésie et de l'art. Cependant, la cloche du Sacro Convento donne le signal solennel que la journée du pardon s'ouvre dans le ciel et sur la terre. Tous les religieux de Saint François, conventuels, observantins, réformés, capucins, tertiaires, qui s'étaient réunis au sacré couvent, défilent en longue procession sur la route d'Assise. L'évêque vient ensuite avec son clergé, tous les grands personnages ecclésiastiques et les magistrats. Alors, les portes de Notre-Dame des Anges s'ouvrent avec cérémonie. On traverse la nef, on entre dans la portioncule, où l'on ne fait qu'une simple salutation, puis, sortant par la petite porte pratiquée à droite, on se retire dans le cloître intérieur. Aussitôt, le peuple se précipite avec une passion, un délire, dont il est difficile de se faire une idée. Ce sont des cris, des invocations, des cantiques. Chacun, à sa manière, témoigne à Marie, reine des anges et des hommes, son amour, son respect et sa reconnaissance. Histoire de Saint François d'Assise, de Monsieur Chavin, de Malan, chapitre 11. Huitième note. Ce soleil n'était pas encore très loin de son lever, lorsqu'il commença à faire sentir à la terre quelques bienfaits de sa grande vertu. Car, tout jeune, il résista à son père pour l'amour de cette femme à laquelle, comme à la mort, nul n'ouvre la porte avec plaisir. Et devant la cour spirituelle, et devant son père, il s'unit à elle, et puis, de jour en jour, il l'aima plus vivement. Elle, veuve de son premier mari pendant 1100 ans et plus, délaissée et obscure, avait attendu jusqu'à celui-ci sans être recherchée de personne. Il ne lui servit de rien qu'on eût dit d'elle, que celui qui avait fait trembler le monde au son de sa voix l'avait trouvée sans peur avec Amyclas. Et il ne lui servit de rien d'avoir été si fidèle et si hardi, que lorsque Marie resta au pied de la croix, elle y monta avec le Christ. Mais, afin que je ne continue pas avec trop de mystère, François et la pauvreté sont les deux aimants qu'il faut reconnaître dans mes paroles diffuses. Leur concorde et leur joyeux visage, leur amour, leur admiration et leur doux regard étaient la cause de saintes pensées. Aussi, le vénérable Bernard se déchaussa le premier pour courir après tant de paix, et même, en courant, il lui sembla qu'il n'allait pas assez vite. Ô richesse ignorée, ô bien véritable, Égide et Sylvestre se déchaussent pour suivre l'époux, tant l'épouse leur plaît. Puis, ce père et ce maître s'en va avec elle, et avec cette famille que saignait déjà l'humble cordon. Et aucune faiblesse d'âme ne lui fit baisser le regard, quoiqu'il fût fils de Bernardone, et qu'il parût vivre méprisé. Mais, il exposa royalement sa règle austère à Innocent, et il obtint de lui la première confirmation de son ordre. Lorsque la pauvre famille s'accrut après lui, lui dont la vie admirable devrait être chantée au milieu de la gloire du ciel. La sainte volonté de cet archimandrite reçut une seconde couronne du Saint-Esprit par les mains d'Honorius, et lorsque, par la soif du martyr, il annonça, en présence du superbe Soudan, le Christ et ceux qui le suivirent. Comme il trouva les peuples encore trop rebelles à la conversion, Pour ne pas rester oisif, il revint recueillir le fruit de ce qu'il avait semé en Italie. Dans un âpre rocher, entre le Tibre et l'Arno, il reçut du Christ les derniers stigmates que ses membres portèrent 2 années. Quand il plut à celui qu'il avait choisi pour un si grand bien de l'appeler à la récompense dont il s'était rendu digne par son humilité, il recommanda à ses frères, comme à des héritiers légitimes, la femme qu'il avait tant chérie, et il leur ordonna de l'aimer fidèlement. Et son âme sainte voulut se détacher du sein de la pauvreté pour revenir dans son royaume céleste, mais elle ne voulut pas d'autre cercueil, pour son corps, que cette chère pauvreté. 9e note. Assise a conservé de bien précieux souvenirs de Sainte-Claire, à l'église de Saint-Georges, nous avons eu le bonheur de vénérer son corps, dont les chairs, à la tête et aux mains, se trouve encore dans un état étonnant de conservation. En 1850, on en fit l'invention solennelle, et on le déposa dans un petit oratoire, en attendant que soit terminé le magnifique tombeau qui doit le recevoir. Aujourd'hui encore, ce sont les Clarisses qui sont les gardiennes du corps de leur sainte fondatrice, la mère est toujours au milieu de ses enfants. Dieu a permis que le couvent et l'église de Saint-Damien fussent conservés jusqu'à nous à peu près tels qu'on les voyait au temps de Sainte-Claire, il y a plus de 7 siècles, vous entrez dans le couvent, et l'on vous fait visiter d'abord, au rez-de-chaussée, la salle du chapitre où Sainte-Claire et ses filles récitaient l'office divin. À part les vieux bancs et les pupitres antiques, il n'y a pas le moindre ornement. Vous vous sentez dans une demeure des filles de Saint-François, c'est toujours la sainte pauvreté. Vous passez ensuite dans l'ancien réfectoire, et là, dans cette pièce où le jour ne vient que par des soupiraux, en face de murailles nues et grossières, si l'on ne vous faisait pas remarquer les tables et les bancs qui servaient au repas des premières pauvres dames, vous vous croiriez dans une cave. Il y a ici plus que de la pauvreté. Puis, on vous fait monter un escalier étroit et obscur, et vous arrivez aux anciennes cellules. En vérité, des prisonniers les trouveraient dures, vous pensez aussitôt aux cellules du Mont Soubase, qu'on appelle les prisons de Saint-François. Il fallait pourtant bien à ces pauvres dames un endroit où elles pussent quelquefois respirer l'air et regarder le ciel. Soyez tranquille, Sainte-Claire y a pensé. Voyez cette petite terrasse encaissée dans les constructions environnantes et dont vous avez parcouru la longueur et la largeur en 6 pas. C'est la cour de récréation. Aussi, les sœurs devaient-elles n'y aller que l'une après l'autre. Vous passez à l'église, elle est bien petite et bien pauvre, c'est une église franciscaine du temps de Saint-François. Cette église cependant a son trésor à elle, trésor de souvenirs vénérables. Vous vous rappelez que Sainte-Claire mit en fuite une bande de sarrasins qui venaient ravager son couvent, en leur présentant, à la porte, l'ostensoire qui renfermait la Sainte-Hostie. On peut vous montrer encore cet ostensoir d'argent et d'ivoire. Une armoire renferme plusieurs objets qui ne paraissent pas avoir une bien grande valeur, mais ils étaient à l'usage de Sainte-Claire, c'est le trésor de Saint-Damien. Enfin, allez dans une petite chapelle, à droite, on vous fera remarquer une peinture d'un certain mérite. C'est une tête de Christ d'une expression vraiment frappante, mais ce qu'elle a surtout de remarquable, c'est la variété d'expressions qu'elle semble prendre, suivant les différents points d'où vous la regardez. Voilà l'église et le couvent de Sainte-Claire, à Saint-Damien. Ah, je comprends, maintenant, pourquoi cet humble et antique monument nous a été si bien conservé. C'est qu'il est d'une éloquence vraiment merveilleuse pour nous rappeler la mortification et la pauvreté chrétienne, et Dieu nous l'a laissé. dans sa sagesse, comme un enseignement dont nous avons grand besoin. Aujourd'hui, ce ne sont plus les Clarisses que l'on rencontre à Saint-Damien, elles n'ont pas voulu se séparer de Sainte-Claire. C'est à Saint-Georges, près du corps de leur mère, que ces colombes sont allées abriter leur nid. Les Récollets, d'autres enfants de Saint-François, les ont remplacées. C'est toujours la même pauvreté, la même abnégation, mais on dirait que ces bons religieux ont craint de profaner le cœur, les cellules et le réfectoire des filles de Sainte-Claire, ils ne les occupent pas. Seulement, ils les ont imitées autant que possible, et c'est ainsi que Saint-Damien offre maintenant aux pèlerins un double sujet d'édification, un monastère antique qui rappelle les plus hautes vertus, et une réunion d'hommes qui les pratiquent. Markham Dan Archivorg d'après Books Google FR et Archivorg Ambroise Bray 1859 et Bray Reto 1883. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.